Si la signalisation est lumineuse, même les panneaux. Cela permet de les mettre en place ou de les enlever et éventuellement de moduler la vitesse maximale autorisée. Le panneau du bas limite la vitesse à 90 km/h. Le panneau du haut, et il faut le lire séparément du panneau du bas, indique que le dépassement est interdit pour les camions. Il faut aussi prendre en compte les feux au-dessus des voies. Ici, la croix rouge précise que la voie de gauche est interdite à tous. Il est donc impossible de dépasser, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un camion. Je règle ma vitesse en fonction du véhicule devant, en conservant une distance de sécurité suffisante. Réponse B et D.